Samedi 15 septembre, 20h, des petits riens. J'ai pris soin de me préparer soigneusement quatre petits sachets en plastique. Des petits sachets, dans la cellule, il y en avait quelques-uns. C'est dans ça que l'infirmière venait chaque midi apporter à Patrick sa dose de cacheton. Chaque jour, il avait droit à son petit sachet. C'est sûrement aussi à cause de ça qu'il dormait tant. Je prépare quatre paquets à peu près équivalents. À un moment, je me dis, j'en mets plus pour l'un, ou j'en mets moins pour l'autre, mais je sais qu'ensuite, sur le terrain, j'aurai du mal à faire le tri. Alors je prépare quatre doses pareilles. C'est que c'est délicat cette affaire-là. Faut que je leur en donne juste ce qu'il faut, mais pas trop quand même. Je dois bien en garder pour moi aussi. Alors je joue les apothicaires. Et un peu plus dans celui-là, et une pincée ici. Il me faudrait une balance pour rendre la justice. À 2h, nous descendons. Même pas le temps d'arriver à la cour, encore sommes-nous dans le passage, que Yacine Le Corski me colle au basket m'interpelle. T'as descendu ce que tu m'as promis, il est lourd celui-là. Ouais, j'y ai pensé. Avec Habib la CS1, ils ont dû se donner le mot, ils m'accueillent à la grille, ou plutôt, ils me coincent. Ok. Ok, keep cool. Un sachet pour l'un, un sachet pour l'autre. Comme ça, je me suis dit, pas de jaloux. Je les regarde. Ils restent plantés devant moi tout pensifs, soupesant leurs petits paquets, comme de grosses bêtes qui en espéraient plus, insatisfaits. Je suis désolé les gars, mais je peux pas vous en donner plus. Après c'est moi qu'en ai plus. Silence, c'est pas sympathique de ta part, me dit Yacine. Son regard s'est posé tristement sur son petit sachet. Je le sens sincèrement déçu. D'ailleurs, il ne m'a pas parlé du tout sur un ton agressif. Non, tout simplement Yacine et Habib sont déçus. Ils n'ont pas eu leur compte. Allez vous faire foutre. Bien sûr, ça je le garde pour moi. Élève des corbeaux, ils t'arracheront les yeux. Je n'ai rien à leur dire de plus à ces deux-là pour le moment. J'ai fait ma BA, ou plutôt, j'ai accompli ma besogne. Je les laisse à leur frustration. Je sais que tôt ou tard, ils reviendront à la charge. D'ici là, je m'empresse d'aller faire ma tournée de bonjour. Comme hier, je fais cela de façon très méthodique, en n'oubliant personne. J'en deviendrai presque obséquieux. On me propose la partie de cartes, comme la veille, mais aujourd'hui, l'humeur des joueurs n'est pas bonne, ou alors est-ce la mienne? Je ne fais qu'une partie et puis je quitte la table. Le ciel s'est obscurci et le vent s'est levé. Je rejoins Momo la caillole. Avec lui, je le sais, y a pas de problème. Momo, c'est une pile à morale. Si t'as l'humeur fade, le cafard, le spleen, le dégoût de vivre, alors va voir Momo. Une demi-heure de marche avec lui, une demi-heure à discuter de tout et de rien et tu te sentiras mieux. C'est aussi pour lui que j'ai préparé un sachet. Il ne m'a rien demandé, mais ça me fait plaisir. Peut-être justement c'est parce que lui ne me demande rien. Tout ça m'a donné envie de fumer. Du tabac que je lui offre, Momo m'offrira bien une cigarette à rouler. Nous nous arrêtons à la table où se trouve Jean-Marie pour nous en griller une. Jean-Marie, depuis le début de l'après-midi, tient le rôle d'écrivain public. Il a descendu du papier à lettres, et son beau style encre qui ne prête à personne. Quand ils ont un courrier à faire, les taulards, les uns après les autres passent à sa table. Parfois, il leur faut faire la queue. Il finit une lettre pour Adjage, qui est assis à côté de lui. Adjage est un ancien, tout maigrelet et taciturne. Son visage porte une tristesse longue comme un jour sans pain, et une petite barbichette grisonnante. Il vient, nous dit-il, d'écrire à nouveau à son avocat. Il proteste de son innocence. En l'occurrence, c'est auprès de nous, qu'alors, il entame une longue plaidoirie. Il nous raconte son affaire dans les moindres détails, il ne nous épargne rien. Forcément, il est innocent. Raconté comme ça, il est innocent, sans l'ombre d'un doute. Ces femmes, je vous jure, toutes des salopes. Je me dis que c'est énorme, le nombre de personnes innocentes qui sont détenues ici. Vu le nombre d'innocents incarcérés, je comprends qu'on manque de place en France pour mettre les vrais coupables en prison. Adjage m'interpelle en me demandant mon avis, si ce n'est ma sentence. Et vous monsieur Bruno, qu'en pensez-vous? Son vouvoiement me donne à sourire. J'ai le sentiment qu'il s'adresse à un juré d'assises. Je lui propose de me tutoyer. Il me dit qu'il préfère me vouvoyer. Je lui dis alors que je me vois obligé de le vouvoyer aussi. Adjage est en détention provisoire comme moi. Mais lui, maintenant, depuis de longs mois. Chaque fois, nous dit-il, son avocat lui promet qu'il va être libéré. Et chaque fois ça ne se fait pas. De report en report, il désespère de sortir un jour. Je ne peux m'empêcher à ce moment, de penser à mon propre avocat. La discussion que j'ai eue avec lui, quelques jours auparavant me revient en mémoire. Il faut être fou, ou désespéré, ou les deux à la fois pour croire aux promesses de son avocat. Adjage a le moral dans les chaussettes. Même Momo ne peut que constater sa tristesse. Sans rien nous dire d'autre, nous fumerons une cigarette à trois. Hadjaj n'a même plus de tabac pour supporter son sort. Comme il ne demande rien et qu'il me reste une dose dans la poche, la dose que j'avais préparée pour Noël le Black qui n'est pas descendu, je la lui offre. Ça le consolera peut-être. Le temps s'est couvert et il commence à pleuvoir, à peine quelques gouttes d'abord. L'après-midi s'achève. Yacine le Corse revient vers moi. Jusqu'à maintenant, lui et l'autre m'ont fiché la paix. Il tient, dit-il, à me remercier quand même pour le tabac. Il me fait souvenir aussi que j'ai promis d'en descendre pour Noël, son compagnon de cellule, des fois que j'aurais oublié. Il se propose de lui monter sa part, si je veux bien la lui confier. Je souris à peine. Je lui dis que je n'ai pas oublié, mais que je n'ai plus de tabac sur moi. Ce qui est vrai. Je rajoute que je donnerai ça directement à Noël quand je le verrai. Vraiment, ce garçon est lourd, lourd. Lourd comme le temps de cette fin d'après-midi, et l'ennui qui lentement me gagne. J'ai à présent besoin de me remonter en cellule. Il finit par pleuvoir vraiment, et nous n'avons nulle part où nous abriter.